dans un tube, à plein tube, personne te loupe avec l'hyperloupe. Toujours à l'heure, à 700 km/h, à vide d'air, on s'y perd. Dans un tube, à plein tube, personne te loupe avec l'hyperloupe. Un oiseau sur terre, c'est rigolo, à vide d'air. Dans un tube, à plein tube, personne te loupe avec l'hyperloupe. C'est l'Asie où tu vis, tu es libre, on vibre. Dans un tube, à plein tube, personne te loupe avec l'hyperloupe. Le privé, c'est foiré, le public, c'est ton public. Dans un tube, à plein tube, personne te loupe avec l'hyperloupe. Tu flottes, nous portes, tu glisses, tout lisse. Dans un tube, à plein tube, personne te loupe avec l'hyperloupe. Assistantation à pleine tension, boulet de canon, passager en canon.